J2Z, un ange perdu dans les ténèbres. J2Z, un ange perdu dans les ténèbres. Avec les mots je joue comme une infinie partie de Tetris. Perdu dans la matrice, je tendrai jamais l'autre joue. Échec et mat si t'es premier sur la liste. Micro en guise d'armes pour les plus tristes. Lâche pas si t'as plus rien à dire. Ferme ta chatte, le savoir est une larme pour les plus réalistes. La musique est ma mère, je me suis noyé dans la merde. J'arrêterai jamais le pilon sur la vie de ma mère. Même si je vois une larme couler sur la joue de mon père. On a tous la même vie, pas tous la même galère. Pas tous la même envie, en musique faire le tour de la terre. J'ai plongé avec mes rêves en enfer frère. Depuis je ne peux plus m'en défaire, condamné. Aéré, désolé chanter, je n'arrêterai jamais. J2Z, un ange en fit avec lui-même. Si la flamme crame les ailes, je me jetterai quand même de l'immeuble. Je me tue le crâne au TSR, perdu dans le désert. Un bon rap classique, ça restera mon dessert. J2Z. Besoin de calme, m'isole de force. Alors je m'efforce dans le rap, j'ai pas besoin d'escorte. Des ténèbres, je reviendrai même en part d'escorte. On m'a lâché dans l'arène avec la haine. J'en ai détourné l'arène, ils savent pas ce qu'ils ont fait. Zarato chassé comme un vulgaire lapin de Garenne. On vise la lune, le soir je m'endors morphée. Quitte à morfler, pourquoi pas se taper morphée. D'en bas, je vois bien que les étoiles qu'on voit briller. Si ça t'en vide et l'encrier, c'est dans ma tête que je viderai le barillet. Une larme de sa voix, je sors la plume pour la génération oubliée. J'ai voulu quitter cet enfer, revenir à la vie, mais c'est mission impossible avec ses repères. J'hériterai du comble des disparus poètes, se faire manger par des vers. J'ai voulu quitter cet enfer, revenir à la vie, mais c'est mission impossible avec ses repères. Poète disparu.